Attendant que ma joie revienne et que se meure le souvenir. Par ici, assieds-toi, je vais te dire ce qu'un homme souffre. Alors, une question a été posée. Il faut être sous comment pour être vraiment sous? Et la réponse, c'est tout se passe dans les cellules du cerveau. Les cellules du cerveau? Exactement, ami. Tu vois, chaque verre d'alcool que tu ingurgites, ça va te tuer 1000 cellules du cerveau. Mais c'est pas grave, parce que t'en as des milliards d'autres. Les cellules de la tristesse, mais en premier, et là, t'as un grand sourire. Ensuite, c'est au tour des cellules du silence. Alors là, d'un coup, tu te mets à parler très fort, sans aucune raison valable. Mais ça fait rien, ça fait rien, tu perds les cellules de la bêtise juste derrière. Et tout ce que tu dis devient très intelligent. Et à la fin, c'est au tour des cellules de la mémoire. Celles-là, elles sont pas faciles à tuer.